Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a huda. Amma ba'du, comme à notre habitude, on va réviser rapidement le cours de la semaine passée, incha'Allah ta'ala, avant d'entamer le deuxième cours de notre série de cours sur le livre de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, usul al-sunnah. L'imam Ahmed, quel est son nom et quand est-il mort? Allahumma barik. Cheikh, il est rapide. Allahumma barik, hafidhak Allah. Ça, c'est les cadeaux pour les bonnes réponses. Jazakallah khair. En 241, son nom en entier? Tfaddal. Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani. Ahsant. Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani. On a l'habitude de dire Ahmed ibn Hanbal. Vous vous rappelez, dans les sciences du hadith, on a dit que parfois, on évoquera une personne en évoquant son prénom, suivi du nom de son grand-père, parfois du nom de son père. Donc en fait, on l'appelle Ahmed ibn Muhammad, et il est connu sous le nom de Ahmed ibn Hanbal. Et si quelqu'un dit, parmi les rapporteurs du hadith, par exemple l'imam al-Bukhari, qui était un des élèves de l'imam Ahmed, de même que Abu Daoud, comme on a vu, qui était un des grands élèves de l'imam Ahmed, il dit, Ahmed ibn Muhammad m'a rapporté telle et telle chose. Comment on pourrait appeler cela? Bien sûr, ces imams-là ne pratiquaient pas cette manière de rapporter le hadith, ni l'imam al-Bukhari, ni l'imam Abu Daoud. Mais une personne qui dirait, Ahmed ibn Muhammad a rapporté, a dit. Comment on appelle ça dans la science du hadith? Hamid, faddal. At-tadlis. Ahsant. C'est-à-dire que la personne, elle a obscurci la chaîne de transmission, puisque s'il voulait éclairer la chaîne de transmission, il aurait dit Ahmed ibn Hanbal m'a rapporté, car il est connu comme cela. Et peu de gens connaissent Ahmed ibn Muhammad. Et quelle sorte de tadlis? On a évoqué deux sortes. Kamel Tfaddal. Tadlis ou shuyur. Vous vous rappelez, Ahsant? On a dit tadlis ou shuyur. Ou tadlis al-isnad, le tadlis de la chaîne de transmission, ou le tadlis de al-shuyur, c'est-à-dire des rapporteurs, des gens de qui on rapporte. Et on avait évoqué que les rapporteurs du hadith avaient plusieurs buts dans cela, plusieurs raisons de faire al-tadlis. Parmi ces buts, lorsqu'ils font tadlis al-shuyur, par exemple. Fadal Mohamed. Pour se rapprocher du gouverneur. Ahsant, par exemple. Pas vraiment pour se rapprocher du gouverneur en soi, lorsqu'il y avait des problèmes politiques à l'époque, et en l'occurrence à l'époque de l'imam Ahmed. Vous savez qu'on l'appelle imam al-mihna, l'imam de l'épreuve de khalq al-Qur'an, c'est-à-dire, ou l'épreuve de ceux qui disaient que le Qur'an était créé. On va y arriver dans le livre, on va aborder ce sujet en détail dans le livre. Et bien sûr, quelqu'un qui rapportait de l'imam Ahmed à cette époque n'était pas bien vu, ou une parole qui était rapportée de Ahmed n'était pas bien vue, donc pour des causes politiques. Lorsque le gouverneur, par exemple, n'aimait pas ou n'appréciait pas ou n'agréait pas une personne. Donc à partir de là, le rapporteur du hadith va rapporter une vérité sans forcément évoquer le nom de cette personne de qui il a rapporté. On a dit aussi, parmi ces causes qui emmènent la personne à faire tadlis ou shuyur, fadal. Penser qu'il a plusieurs chouyours. Ahsant, pour faire penser qu'il a plus de chouyours que ce qu'il a vraiment. C'est-à-dire une personne qui dit j'ai rapporté de Ahmed, Abu Abdillah. Une autre qui dit j'ai rapporté de Ahmed ibn Muhammad. Un autre qui dit j'ai rapporté de Ahmed al-Shaybani. Un autre qui dit j'ai rapporté de Ahmed al-Baghdadi. Un autre qui dit j'ai rapporté de Ahmed ibn Hanbal. Cinq personnes qui reviennent à une seule personne. Et la personne qui entend cela, il se dit cette personne-là a beaucoup de chouyours. Et autre que cela parmi les choses que nous avons évoquées. L'imam Ahmed a un livre qui est connu. Quel est ce livre? Un recueil de hadith qui est connu. Allez, Shabab. Un recueil de hadith qui est connu. Mahdi, tfaddal. Al-Musnad. Ahsant. Al-Musnad. On a évoqué dans les sources du hadith, qu'est-ce que Al-Musnad? Qu'est-ce que... Lorsqu'un auteur écrit un livre qui s'appelle As-Sahih, on a dit que... Faddal Damien. C'est qu'il a pour condition l'impression que tous les hadiths qui rapportent ils soient Ahsant, Ahsant, sahih al-Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibn Hibban. Sa condition à lui, c'est que chaque hadith qu'il va rapporter est un hadith qui est sahih, authentique selon ses conditions à lui. Lorsqu'une personne rapporte, ou lorsqu'un auteur écrit un livre qu'il appelle Al-Musnad, comme en l'occurrence ici, le Musnad de l'imam Ahmed, quelle est cette manière d'écrire un livre ? Tfaddal, Mustafa. Avec la chaîne de transmission ? Là, Al-Musnad, ce n'est pas ce qui est voulu ici. Tfaddal. Ils sont triés par Sahaba. Ahsant. Ahsant. Al-Musnad, c'est lorsqu'ils sont triés par ordre alphabétique, par ordre de sahabi qui rapporte le hadith. C'est-à-dire que lorsque tu lis dans le Musnad de l'imam Ahmed, ou lorsque tu souhaites faire une recherche dans le Musnad de l'imam Ahmed, tu as un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, par exemple. Eh bien, tu chercheras le Musnad de Abu Huraira, la partie qui traite du Musnad de Abu Huraira, c'est-à-dire tous les hadiths qu'il a rapportés, Abu Huraira. De même que Ibn Umar, de même que Abu Bakr Siddiq et autres que cela, radiallahu anhum. Nous étudions ici les fondements de la sunna, ou sur le sunna. Quel est le sens du terme asl, qui est le singulier, ahsant, barakallahu fik, qui est le singulier de usul, donc fondement. Que veut dire ce terme? On a usul sunna, le singulier de usul, asl, c'est-à-dire fondement, et sunna, donc les fondements de la sunna. On a détaillé ce que voulait dire asl, donc fondement, et ce que voulait dire sunna ici. Que veut dire fondement ici? C'est quoi? La ahsant, ça c'est pour la sunna et pour le fondement, c'est-à-dire sunna ici dans usul sunna de l'imam Ahmed, les fondements de la sunna. Il ne veut pas par ce terme sunna, le terme particulier, la définition de la sunna, par exemple dans les sciences du hadith. Quelle est cette définition? La sunna dans les sciences du hadith, dans la terminologie du hadith, que veut dire la sunna? Kamel Faddal. Tout ce qui est rapporté de Allah, c'est même parmi ses paroles, ses caractéristiques physiques. Ahsantum, et ses approbations, ses acquiescements. Donc, la sunna dans la terminologie particulière, là on a Kamel et Kamel juste derrière, ça va poser un problème. Ahsantum, on a dit, la sunna dans la terminologie particulière, c'est toute parole ou acte ou acquiescement, approbation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses comportements ou ses traits distinctifs, physiques et moraux. Ici, est-ce que c'est cette sunna qui est voulue? Non. Comme l'a dit Sekou, ici, ce qui est voulu, ou sur le sunna, les fondements de la sunna, les fondements de la voie de l'manhaj, les fondements de la croyance des gens de la sunna. Et le terme fondement, qu'est-ce qu'il veut dire ici? On a dit que le terme fondement, selon la science dans laquelle il était utilisé, il avait une signification particulière. Damien, tfaddal. Que si quelqu'un le contredit, il sort de la ça c'est dans quelle science? Dans la science qu'on étudie actuellement, c'est quelle science, Mahdi? L'aqida, la croyance. Donc, dans la science de la croyance, dans la science de l'manhaj, de la voie, le terme fondement désigne toute chose que si une personne contredit ce fondement, il sort du cercle des gens de la sunna, comme on va le voir ici dans le livre où l'imam Ahmed le dit explicitement à un moment dans ce livre, les fondements de la sunna. Ceci nous emmène à la définition de l'aqida, la croyance. On a l'habitude de dire l'aqida, l'aqida, la chose la plus importante c'est l'aqida. Mais qu'est-ce que l'aqida? Normalement toutes les mains se lèvent, parce que l'aqida, si on n'a pas compris ce terme là si on ne sait pas quel est ce terme alors qu'on vient à un cours de aqida, c'est qu'il y a un souci. Aïe, Shabab, l'aqida, qu'est-ce que l'aqida? Mahdi, tfaddal. C'est tout ce que, à quoi s'est lié le cœur, parmi ses croyances et certitudes. Ahsant. Et parmi cela, il y a à la fois en Allah, ses livres, ses anges, ses messagers, ainsi que le jour du jugement et la prédestination pour sa bonne ou mauvaise. Ahsant, barakallahu fik, Mahdi, ahsant. Donc l'aqida, on a dit que ça vient de l'aqd, qui veut dire le nœud. Et l'aqida, c'est toute croyance et certitude à laquelle s'est lié le cœur. Et ces croyances sont la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour de la résurrection et la prédestination bonne ou mauvaise. Est-ce qu'une personne peut être salafi dans sa croyance, dans sa aqida, et ne pas être salafi dans son manhaj? Est-ce que la croyance et le manhaj déjà sont la même chose? Ou quelle est la différence entre la croyance et le manhaj? Le manhaj qu'on traduira par la voix, ici, et la croyance par l'aqida par la croyance. Est-ce que l'aqida ou le manhaj, ce sont deux choses différentes ou ce sont la même chose? C'est quoi? Le manhaj, ça englobe plus de choses. Ahsant. Ahsant. Le manhaj, la voix, c'est quelque chose qui est plus général. La voix, lorsqu'on dit manhaj ou ahli sunnah, la voix des gens de la sunnah, ceci englobe leur croyance, la croyance des gens de la sunnah, leur aqida donc, de même que leur manière qu'ils avaient d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, leur comportement, tout ce cheminement qui mène vers Allah tabaraka wa ta'ala, selon ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc est-ce qu'il est possible qu'une personne soit salafi dans sa croyance et ne soit pas salafi dans son manhaj? Hein? Ils sont indissociables ces deux termes, Ahsant, Ahsant Damien. Mais une personne par exemple qui croit en ce en quoi croient les gens de la sunna dans les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans leur croyance parmi concernant as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que al-khuruj ala al-hukam, la révolte contre le gouverneur, il croit cette personne-là en toutes ces choses en qu'elles croient les gens de la sunna. Mais c'est quelqu'un qui aime faire, par exemple, le khuruj fi sabilillah, comme il l'appelle, donc c'est-à-dire ce que font Jama'atut Tablir. Cette personne-là, on dirait qu'il n'est pas salafi. Mais sa croyance, c'est une croyance de salafi. Hein? Il faut les deux. Puisque parmi les fondements de la sunna, ce qu'on va voir ici, comme le dit l'imam Ahmed au début du livre, « Usul sunnati indana » التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les fondements de la sunna auprès de nous, c'est le fait de se cramponner, de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne ne peut pas être salafi dans sa aqida et dans son manhaj avoir un manhaj de ikhwani, de tabliri, de autres et autres et autres. Et ceci est une erreur et ceci est une porte par laquelle a essayé de rentrer les gens de l'innovation. Parmi eux, Al-Halabiyoun ou Al-Ma'ribiyoun, comme on l'a dit. Et ceci est l'expression de Abu al-Hassan Al-Ma'ribi, qui disait, nous voulons un manhaj wasi' afiyah. C'est-à-dire un manhaj qui englobe tout le monde. Du moment que tu es sur la aqidah des gens de la sunna, marhaban bik. Même si tu aimes bien faire comme ils appellent le khuruj fi sabilillah, même si tu aimes bien constituer un parti politique pour arriver au pouvoir et autre que ça, du moment que tu as la même croyance que nous, eh bien marhaban. Et beaucoup de gens sont tombés dans cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à dire d'une personne qu'il n'est pas salafi, donc c'est quelqu'un qui n'est pas sur la sunna, donc c'est quelqu'un qui est sur la voie des gens de l'égarement, de l'innovation, parce qu'il est sur telle et telle voie, alors que dans sa croyance, il est en conformité avec les gens de la sunna. Ils ont du mal à donner ce jugement ou cette sentence sur cette personne. Alors qu'on vient de le voir, l'asl, le fondement dans cette science, la science du manhaj, la science de l'aqida, l'asl, le fondement, c'est une chose que si une personne contredit un seul de ses fondements, il sort de la sunna. Il sort de ce cercle des gens de la sunna. Je vous renvoie aussi à cela, une fatwa de l'allama Rabi ibn Hadi, al-Matra Ali, Havadahullahu Ta'ala, concernant le fait d'exposer la preuve à une personne qui contredit la sunna, ou les fondements de la sunna. Et j'avais expliqué brièvement cette fatwa dans une série de cours, ou dans un cours qui fait partie d'une série de cours sur les règles inventées et innovées et leurs dangers pour la croyance du musulman. Revenez à cela. Une dernière chose, on avait évoqué un sujet qui s'appelle al-imtihan bil ashkhas, c'est-à-dire le fait de faire un examen à une personne par les hommes, par les gens, par une personne particulière. Est-ce que vous vous rappelez en quoi consiste cela? Fadal Mourla. C'est le fait de citer un savant. Si la personne il a quelque chose contre lui, Ahsant. Al-imtihan bil ashkhas. C'est donc le fait que tu éprouves une personne par une autre personne. Par quelle personne on éprouve? Et c'est Mourla a dit un savant. On a dit plus particulièrement encore, Mahdi, tfaddal. Par les imams de la sunna. C'est-à-dire ce n'est pas n'importe quelle personne qu'on va utiliser pour faire cette chose, c'est-à-dire l'examen ou le fait d'éprouver quelqu'un par les hommes. Et parmi ces hommes par lesquels on éprouvait les gens, comme l'a dit Ibn Abi Hatim dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, d'après son père Abu Hatim. Qui sont ces imams par exemple, Mustafa? L'imam Ahmed. L'imam Ahmed, comme l'a dit Ibn Abi Hatim dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, il donna le nom d'un sous-chapitre en disant, dans le sens de ses paroles, le chapitre ou le sous-chapitre du mérite d'une personne d'être appelée des gens de la sunna par son amour de Ahmed ibn Hanbal. De même que dans un autre sous-chapitre, par son amour de Anas ibn Malik. De même que dans un autre sous-chapitre, par son amour de Hamad ibn Zayd. Les imams de la sunna. Et ceci jusqu'à nos jours. Une personne qui fait partie des imams de la sunna, qui a des œuvres dans la défense de la sunna et des gens de la sunna qui font que n'importe quelle personne parmi les gens de l'innovation déteste cette personne. Et que les gens de la sunna aiment cette personne. Et le fait d'aimer cette personne ne veut pas dire d'être d'accord avec lui dans tout ce qu'il dit. La seule personne qui est infaillible, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs des hommes, qu'ils ont atteint un degré que personne après eux n'atteindra, par cette sohba, par cette compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ses compagnons, nous sommes tous d'accord sur le fait que ils voient juste et ils se trompent, qu'en est-il de ceux qui sont venus après eux? Donc en fait, le fait de respecter et d'aimer un imam parmi les imams de la sunna ne veut pas dire d'être d'accord avec lui dans tout ce qu'il dit, d'être fanatique de ses paroles. Et que si une personne dit « un tel s'est trompé » ici, ah c'est une personne qui n'est pas des gens de la sunna parce qu'il dit que cet imam qui fait partie des imams de la sunna s'est trompé. Non, on parle de l'amour d'une personne. Et l'amour, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Unsur akhaka zaliman aw madhlouman » Secours ton frère, qu'il soit injuste ou qu'on lui ait fait une injustice. Et les compagnons lui ont demandé, ceci lorsqu'il est mazloum, c'est-à-dire qu'on lui a fait une injustice, c'est-à-dire on le secourt lorsqu'on lui a fait une injustice. Qu'en est-il de le secourir lorsqu'il est injuste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, tamna'uhu min adh-dhulm, tu l'empêches de commettre de l'injustice. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. L'un d'entre vous ne sera pas croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ceci fait partie de l'amour. Tu empêches une personne de commettre de l'injustice. Tu conseilles ton frère lorsqu'il se trompe. Et ceci même s'il fait partie des imams de la sunna. Et le fait d'être fanatique. Et à chaque fois qu'une personne parmi les savants de la sunna se trompe ou dit une parole, qu'il se trompe ou pas, mais à chaque fois qu'il dit une parole, eh bien, tu prends cette parole et tu secours cette parole contre n'importe qui vient dire que telle personne se trompe. Si une personne vient imputer à un savant de la sunna qu'il s'est trompé dans telle affaire, dans tel sujet, il faut écouter ses preuves. Je ne parle pas de n'importe qui, on parle des savants. Un savant de la sunna qui dit une parole, un autre savant de la sunna qui dit cette parole est une erreur. On n'écoute pas n'importe qui vient dire tel savant s'est trompé, vous comprenez? Par contre, le fanatisme aveugle qu'une personne, parce que c'est le savant du pays, le grand savant du pays, il dit une parole, à partir de là, c'est la vérité. Et n'importe qui vient le contredire est quelqu'un qui lui veut du mal, qui veut du mal aux gens de la sunna, qui veut du mal aux salafis du pays et autres que cela, ceci est du fanatisme aveugle auquel n'a pas appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont trompés sur plusieurs sujets. Ils sont revenus sur plusieurs sujets. Comme je l'ai dit à de maintes reprises, revenez au livre qu'on aura l'occasion peut-être de commenter, Inch'Allah ta'ala, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, Raf'u al-Malam, an il-A'immat il-A'lam. Dans un livre, dans une petite épître où il rapporte tous ces passages où les savants de la Sunna, à commencer par les compagnons, ont dit une parole qui était en contradiction avec la Sunna. Et dans ce livre, il rapporte, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, les excuses par lesquelles nous excusons ces imams et à leur tête sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'être trompés à tel ou tel moment. Tout ça pour dire que ce fanatisme aveugle est une chose qui n'a rien à voir avec la sunna, n'a rien à voir avec les fondements de la sunna que nous étudions, n'a rien à voir avec cette voie, le manhaj salafi. Et tu ne seras pas en conformité avec cette voie du moment que tu trouveras dans ton cœur un picotement à dire « Atel s'est trompé ». Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu s'est trompé. Et subhanallah, la plupart des frères ne trouvent pas de mal à dire « Omar ibn al-Khattab s'est trompé » dans cette affaire concernant un sujet lié à l'héritage, mais ils trouvent un picotement, ou plus encore, une brûlure dans son cœur de dire « Cheikh Atel s'est trompé » parmi les contemporains. Où est Omar ibn al-Khattab de, où est ce cheikh de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu? Mais tu ne trouves pas quelque chose dans ton cœur de dire il s'est trompé. C'est quelque chose qui est admis concernant l'héritage de la grand-mère. C'est quelque chose qui est admis. Omar ibn al-Khattab s'est trompé. C'est connu chez les gens de la sunna. Il s'est trompé. Et il est revenu. De même que un tel et un tel parmi les sahaba se sont trompés. Mais lorsqu'on te dit cheikh un tel Alim al-Bilad, le savant du pays s'est trompé, ou un tel ou un tel, ah, ça brûle. Allahu Akbar. C'est ça la sunna, c'est ça cette voie, ce manhaj. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Barakallahu fikum.